Je suis le pipipoups. Madame Nostalgie. Madame Nostalgie, montez le son, notre votre à l'heure, merci. Allô, bonjour, comment ça va vous? Les enfants vont bien? Les enfants vont bien? Ils ont digéré leurs 10 heures? Non, c'est aux 4 heures, excusez-moi. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Ce qui est bien dans la chanson, c'est quand tu connais l'histoire. Quand tu connais les origines de la chanson, ça prend une dimension extraordinaire. Puis en même temps, quand tu la connais pas, la légende, l'histoire, quand tu connais pas les courts-circuits, comment les courts-circuits? Et c'est un court-circuit, un tour du chapeau, du capot. Il est tout nu sur le capot. Il est tout nu sur le capot, ben voyons, pas encore. Appelez la police, ils sont habitués, ils connaissent l'adresse. Mais, non, mais quand tu es au diapason avec l'auteur, alors Madame Nostalgie, enlève l'écho, on va raconter un peu l'histoire. Parce que c'est une belle histoire. Vous pouvez raconter ça à vos enfants. Demain, au petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Est-ce qu'il petit déjeune? Comment? Imaginons qu'il déjeune. Est-ce qu'il petit déjeunasse? Jeunesse. Que jeunesse déjeune, que vieux digère. ça pourrait une belle doctrine, ça. Hein? Ça serait bien comme doctrine. Que jeunesse déjeune, qu'aîné digère. Connais-tu le grand chanteur Kenny Digère? Quand il fait son succès disco, mais quand tu connais l'origine de la chanson, c'est beaucoup plus intéressant. Puis je dis beaucoup plus, puis je me reprends. Parce que lorsque je peux m'élancer le même, il m'arrive quelquefois de me dire, c'est vrai que avoir la clé, c'est plus facile d'entrer, mais il y a d'autres moyens, casser un carreau. T'imaginer que aller plus loin que la véritable histoire, c'est ça l'intérêt de la musique, du cinéma. Même si tu n'as pas les assises, les racines, la profondeur, dans ta tête, il se passe des affaires. Par exemple, les loups que Serge Reggiani chante. Les loups. Tout le monde s'imagine que c'est Hitler qui entre à Paris. Pas du tout. Mais selon l'auteur, puis c'est pas Serge Reggiani, c'est pas... Non, c'est pas Serge. Il a rien écrit, Serge. Gainsbourg, il a écrit beaucoup de choses, mais Reggiani, pas écrit grand-chose. Vous allez entendre tantôt, là, les... Non, je veux pas dévoiler, je veux rien dévoiler. Là. C'est un secret, mais encore, c'est pas vraiment un secret. Les grandes radios d'État en ont fait État. Ah oui. Ben, en fait, c'est des petits tas, là, en sourdine. Un peu comme le téléphone russe. Russe. Téléphone, là, tu dis... Allô. Là, tu comprends pas vraiment, fait que là, tu dis... Puis à l'autre bout, ça fait... Ah oh oui, le rayon, hein? Le soleil rayonne et le crayon frissonne. Ouais. Plusieurs personnes se demandent comment on peut faire un crayon pour frissonner. On peut-tu lui donner la chance de frissonner à ce petit crayon-là? Là? Il n'a jamais demandé à vivre, lui. Il n'a jamais demandé la couleur aussi. Il est venu au monde, disons, gris. Peut-être qu'il ne voulait pas être gris, lui. Peut-être qu'il préférait être blanc, un crayon blanc. Dans ta... Souvent, quand tu t'ajoutes, ou à tes enfants, lorsque on leur procure des crayons de couleur, 72 crayons, combien? 150, là. Le plus fantastique, c'est quoi? 2500 crayons, en tout cas. Ça prend un camion. Le petit, là, ça en va à la maternelle. On a loué un camion pour 9 mois. Écoute, il y a 2 568 crayons. Quand le professeur va dire noir Philippine, on l'a le noir Philippine. Fais-toi-en pas. On l'a le noir Philippine. Tu sais pas quelle couleur que ça ressemble, un noir Philippine? Viens, on t'invite. Hey, si on dit un blanc obscur, on va te le trouver, le blanc obscur. J'ai tout acheté, la panoplie, ça va devenir le Picasso. Je donne tout mon argent à cet enfant-là pour qu'elle soit pas comme moi. Moi, je vais vous raconter un peu mon histoire. J'ai été abandonné par des ratons laveurs. J'ai été trouvé dans deux sacs de entre deux sacs de poubelle. En fait, c'est moi qui faisais mais les ratons croyaient que j'étais leur progéniture. Quand ils m'ont vu le visage, ils font ce bruit-là quand ils sont méchants. Ils voulaient m'attaquer, mais moi, je voyais bien que ça avait l'air des voleurs. J'avais trois mois et demi. Je connaissais la valeur du voleur. La valeur visuelle, télévisuelle qu'on leur donne. Même cinéphilique. Malheureusement, ces voleurs-là sont déterminés par un masque. Arsène Lupin. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme en le bas d'une femme. Il se veut chavir le cœur. Comment? Chavirer. Quand t'es dans une barque, plus facilement dans un canoë. Le canoë volant, à un moment donné, là, quand tu prends l'ascension, oui, tu montes. Mais dis-toi que quand ça pique du nez, c'est pointu cette affaire-là. Fait que tu plonges pas, tu creuses vers l'intérieur de l'eau. Fait que là, ça fait comme une séparation. Tu sais, on vient de comprendre comment Jésus a pu marcher sur les eaux. Il y a un canoéiste, un gars qui faisait du canot, un imbécile de premier ordre, là, on le nommera pas. Gaétan Brisebois, 23 ans d'insignifiance, a parcouru vers le ciel une montée comme une fusée. Tu sais, les petites fusées qu'on faisait, moi, j'en ai fait des fusées miniatures. J'étais un professionnel de fusées miniatures. Vous le saviez pas, je vous l'ai pas raconté. Vous écoutez pas mon émission, c'est pas mon problème, moi. Suivez! Comme les militaires, suivez! Gardez-vous! Enlevez le pompon! Bouffez-le! Bouffe-le, toi, le dernier. Bouffe-le. Il fait semblant. Non, bouffe-le! Imagine-toi que c'est du... filet pas trop mignon, là. Pas trop mignon parce qu'il va t'étouffer. T'es le dernier poil. T'as rien à boire. T'as rien à boire. Aval le truc, mec. Je fais ça pour mes amis français qui m'écoutent parce qu'ils ont de la difficulté à comprendre. Aval l'affaire après l'émission. Il me l'a promis, je l'ai payé, voyons, putain! Me suis-je fait arnaquer une deuxième fois? J'ai eu 3 femmes dans ma vie, je me suis fait arnaquer 2 fois. Madame Nostalgie, ouais, vous pensiez que j'avais oublié, hein? J'ai rien oublié! Non, je n'ai rien oublié! Non, je vais récolter tout l'argent des pauvres! Bon, mais c'est pas ça. Madame Nostalgie. C'est écrit par mon ami Georges Moustaki. Le plus grand succès de Georges, on le sait. Avec ta gueule de... Avec ma gueule. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80 ans. Avec ma bouche qui a mordu, qui a souvi et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire. D'histoire. Avec ma bouche qui a bu, qui embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Ah, tu comprends, c'est Georges Moustaki. Regarde-moi, là, elle m'avait soufflé Brassens dans mon oreillette, là, là, hein? Gaétan, tu veux me... Hein? Je me ridiculise à chaque vendredi. Oh, elle est coquine et rouquine. Elle vient de changer de couleur, elle. Elle était blanche hier. Là, pour l'émission de ce soir, parce qu'on va recevoir quand même une grande dame du jazz, une grande musicienne, un grand nom, un lourd nom à porter avec elle pendant toute sa carrière jusqu'à maintenant. Mais je nomme pas parce que c'est pas le temps encore. Le temps, c'est vous de raconter. J'ai tellement honte. Hein. J'étais heureux. C'est ma rencontre la plus. C'est ma rencontre la plus. Elle m'a plu. Nous sommes plus. Donc, c'est pluriel. Pas compliqué, là. Pas compliqué! Madame Nostalgie, Georges Moustaki, qui a fréquenté Barbara pendant quelques temps. Barbara, femme de tête, a retourné à un moment donné Georges Moustaki. Puis quand une femme te retourne, il n'y a pas trop de problèmes. Quand c'est un gars, tu fais attention, tu mets ta main, je m'en vais, là, mais attention! Garde-toi quelques mètres! J'ai déjà été militaire, je sais comment ça fonctionne! Tiens-toi loin! Mais là, quand Brassens s'est fait retourner par Barbara, il s'est retrouvé chez lui et il a écrit « Madame Nostalgie ». S'il vous plaît, pas de musique. On y va. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume et tes rancœurs et tes rancunes et tes douceâtres litanies. Madame Nostalgie, tu causes de la fragilité des roses. Je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton amour d'Amalgarie. D'Amalgarie? Ça, c'est... Non, c'est pas normal. Non. Normalgarie, c'est pas lui. Qui s'est suicidé. Non. C'est une autre histoire, ça, là. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Oh, c'est fort, ça, là. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Et je vois toujours dans tes yeux de jade, Madame Nostalgie, tu rêves, mais tes arbres n'ont plus de sève et tes branches n'ont plus de fruits. Madame Nostalgie, pardonne-moi si j'en ai marre de tes dentelles grises et noires. Il fait trop triste dans ma vie. Parce que là, j'ai changé de page. Ça paraissait-tu, Madame Thibodeau? Nous, on a fondu enchaîné. Fait qu'on n'a presque pas vu la césure. Presque pas. Fruit. Madame? Madame Nostalgie, pardonnez-moi si j'en ai marre, là. De tes dentelles grises et noires, il fait trop triste par ici. Madame? Madame Nostalgie? Je veux entendre des orages, respirer des jardins sauvages, voir le soleil et la pluie. Madame? Madame Nostalgie? Ah, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais ce soir, je n'ai plus de cœur de partager tes insomnies. Les insomnies de Barbara. Quand elle a tenté de se suicider, là. C'est bon, hein? Les liens. Madame, j'en ai marre ce soir d'être infidèle dans les bras d'une belle qui ressemble à la vie. Mais c'est méchant. Madame qui? Madame... Allô? Madame qui? Mon ami, c'est Madame Nostalgie. Madame qui? Nostalgie. Nostalgie. Pas compliqué, là? Nostalgie. Madame qui? Elle va frapper un os, elle, là. Je te le dis, là. Déterre-la. Les concesseurs, les gens qui vivent encore et qui veulent avoir des preuves. Là, faites que. Bon, c'est... Allô? Madame qui? Madame. Nostalgie. Ça, c'est une histoire incroyable. Comment? C'est même pas vrai. C'est pas vrai? Écoute bien, toi, là. Hey, là, excusez-moi, là. Changez de... Non, à votre place, là, griffonnez quelque chose, là. Baissez le son, il va se passer quelque chose. C'est même pas vrai. De un, mon cher monsieur, si c'est pas vrai, pourquoi, lorsque je fais la lecture et que je colle des liens avec la chanteuse, ça fonctionne? C'est même pas vrai. OK. Vous, connaissez-vous Barbara ou l'avez-vous déjà rencontrée? Ou si ça vous dépasse, c'est pas vraiment vrai? Ou, hein, monsieur? C'est même pas vrai. Pas vraiment, oui. Ouais. Ah, oh, attends. Ouais. Avez-vous déjà rencontré? Non, on va lui demander. Il va nous le dire s'il est capable. Hum? Attendez. Ouais. Avez-vous déjà rencontré, mon cher monsieur, la chanteuse Barbara lors de ses passages? Parce qu'elle était souvent dans des passages. Ah, elle marchait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Elle était tout le temps dans les passages. Elle réfléchissait, puis essayait de trouver des belles chansons, puis L'Aigle Noir, puis Göttingen, puis Nantes, et puis Somodon Albert. Puis... Bon, oui, c'est... C'est Barbara qui a chanté « Sors-moi donc, Albert ». Parce qu'elle a, à un moment donné, elle a rencontré un homme qui s'appelait Albert. Puis elle était seule à son piano, puis elle dit « Hey, voyons donc, là, asseoir. Désespoir, sors-moi donc, Albert. » Puis là, c'est sorti comme ça. « Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir les choses. Ah ouais, ma... » Des choses, pas des shows, des choses. Vous savez que Barbara puis Félix Leclerc, là, je ne vais pas trop raconter, là. Allez vérifier. Alors, mais, allô, monsieur? Oui, ça va bien? Bon, vous qui disiez que c'était pas vrai l'histoire de Barbara puis de Brassin et de Moustaki, d'où vous vient cette vision-là? Est-ce que vous êtes un voyant? Oh, vous voyez, vous. Vous voyez autre chose que les gens peuvent observer. Je répète, ça sortit bizarre. Parce qu'il y a deux choses, là, dans la luette et dans la fleurette. Il y avait des petites évaporations au niveau de... Ça vous arrive, ça, monsieur? Bon, vous êtes humain. Êtes-vous humain? Bon. Qu'est-ce que vous faites de... Quand vous répétez de même, là, est-ce que vous vous sentez comme un professeur d'école à chaque fois vous dites « Hey, je vous l'ai dit! » Passé simple. Du subjonctif. Non. Passé simple, du simple. Non, de la simplification. Elles furent. Le verbe « faire ». Troisième personne du pluriel. Passé simple. Elles furent. Et ça, madame, Vous êtes madame ou monsieur? Vous êtes mêlé, vous, hein? Elfure! Fure! Appelez-moi Fure! Ouais, allez-y, Fure! Ouais, je sais, c'est Fure, mais pouvez-vous... Êtes-vous certain que c'est Fure, vous? Bon. Vous êtes intelligent. En tout cas, vous avez un minimum pour voter. Pour acheter aussi des loteries. Je crois sincèrement que quand t'es capable d'acheter des loteries, tu peux voter, hein? C'est la même chose. Ben oui. Tu dépenses ton argent là-dedans, toi, mon imbécile? Hey! Tu fais ça comme de l'eau, cet argent-là, monsieur? Bon. Vous espérez. Vous faites partie de la cause de l'espérance. Mais la fausse espérance. Hmm? Pendant toute votre vie, vous allez vous dire, mon cher monsieur, « Oh, avoir su! » C'est comme ceux qui vont au casino. Imaginez-vous, il y en a qui vont au casino puis qui se placent des couches. Pas des couches d'imbécilité, là, des couches parce qu'ils veulent pas aller aux toilettes. Mais c'est fou! Puis là, ils vont se retrouver, ce monde-là, dans les hôpitaux, dans des soins de pour personnes âgées. Puis lorsqu'on va leur dire, « Ah, monsieur, là, c'est le temps de vous placer des couches, là, parce que... vous êtes... je connais une émission à CKRL. C'est un incontinent... non pas au niveau, mais à l'autre niveau. C'est quoi? Quels sont les niveaux? Ben, quels sont les niveaux? C'est-tu beau les niveaux? Quels sont les niveaux? C'est-tu beau les niveaux? Qu'est-ce que c'est les niveaux? C'est-tu beau les niveaux? Les beaux niveaux! Non, les niveaux, il y a les niveaux... le premier niveau, deuxième niveau, puis troisième niveau, puis il y a des niveaux, puis j'en fais partie aussi. Langagier, niveau langagier. C'est à ce niveau, mais on peut pas mettre de couche. C'est trop haut. Ça dégouline. Ça dégouline de métaphores. Puis à ce moment-là, les gens sont tellement étonnés. Le mot étonné est quand même pas si absurde que ça. Parce que quand tu sais pas ce qui peut dérouter un peu la structure langagière, tu peux la confondre avec bien d'autres façons de dire des choses. Mais ces choses-là, comment peuvent-elles se faire? Se dire? S'inter-enraciner? Non, relâche-le, là. Il n'est pas coupable. On avait cru... mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. On doutait. On n'est pas certain. Donc, va-t'en. Cours, prends tes pieds à ton cheval et n'aboie pas. Sinon, les chiens courront vers toi et tu risques de te faire mordre par le goéland. Là, tout le monde va se dire, « Hey, le goéland ne mord pas. » C'est facile, ça, de lancer des phrases de même. C'est très facile jusqu'au jour où tu te fais mordre par un goéland. Tu te dis, « Voyons donc, ça a des dents, ces affaires-là. » C'est pas des dents. Mais moi, je croyais que c'était des dents. Parce qu'il n'y avait pas aussi... Vous savez comment ça mange, les gars? Ça mange n'importe quoi, ces affaires-là. Il y avait deux miettes de pain collées dans le palais puis dans le sous-palais. Le sous-palais. Vous connaissez pas? Vous avez pas de... En médecine, vous... Bon. En tout cas, dans une bouche, là, en haut, c'est le palais puis en bas, c'est le sous-palais. Il y avait une miette de pain en haut, une miette de pain en bas. Donc, quand elle m'a grippé, j'étais en scooter. Je roule encore en scooter. C'est le temps encore. Là. Il fait beau, les enfants gazouillent. Les enfants gazouillent, ah oui, ça vient de naître, ces affaires-là, là. On fait des enfants un petit peu dans la période de l'hiver pour les balancer en été fin de l'automne. Ça fait des beaux enfants heureux. Oh. Ils écriront pas des affaires comme Madame Monosol. Mais non! Ça va faire des poètes, peut-être troublés. Si vous écoutez ces querelles et que vous êtes enceinte, madame, mademoiselle, écrivez-moi à Rénal Québec à Gomazal-Lomé-Vogan. Là, en disant ça, il y a des gens qui vont se dire, ah ben, ils veulent pas, ils veulent pas qu'on lui écrive, ils baragouinent. Je ne baragouine point, je le répète facilement, et ensuite j'enchaîne avec mon invité qui doit être à quatre pattes en train de pleurer en disant j'ai perdu une heure et demie de ma vie. Mais non, vous allez voir, madame. Alors j'y vais. Rénal Québec. RAYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Et puis je vous présente mon émission qui s'appelle Errance Rénaldienne. Bonjour, c'est moi! Bonjour, mes amis! J'ai un beau texte d'Henri Michaud pour ouvrir mon émission. Ben, c'est déjà, la porte, je crois, est grande ouverte. Les oreilles sont bien pendantes, pour ne pas dire... elles frottent le sol. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui, les oreilles le frottent. Enfin, ça frotte. On ne voit pas les virgules entre les maisons, ce qui en rend la lecture si difficile et les rues si lassantes à parcourir. Mon ami Henri Michaud. Une autre phrase de M. Michaud. L'homme est un enfant qui a mis une vie à se restreindre, à se limiter, à se voir limité, à accepter limité. Non, c'est pas cela, M. Thibodeau. Vous avez oublié le S apostrophe. Pourriez-vous? Ben oui. L'homme est un enfant qui a mis une vie à se restreindre, à se limiter, à se voir limité, à s'accapter limité. C'est pas ça, monsieur. Pourriez-vous? Excusez-moi, c'est moi le... Oui, je suis puriste. Je me lave tous les soirs avec le mauvais vin. Et on me voit matin, vous le rirai-je comme une Serge Pascal. Et elle comme un... Vous êtes trompé. Pourriez-vous répéter? Oui. L'homme est un enfant qui a mis une vie... Excusez-moi. Est-ce que je peux reparler au puriste? Oui. Vous n'avez pas terminé. Ensuite, je verrai avec vous. OK. L'homme est un enfant qui a mis une vie à se restreindre, à se limiter, à se voir limité, à s'accepter limité. Henri Michaud, extrait de son livre « Adulte », il est parvenu, presque parvenu. C'est merveilleux. Je suis un puriste, mais j'ai la larme à l'œil. Oh! J'ai la vraie, là, tu sais, la larme émotive, là, celle qui descend puis qui veut couler chaque côté de la joue, puis suivre le parcours de ma vieillesse et atteindre ma bouche pour être capté par ma langue québécoise, ma langue que j'aime tant. C'est quoi ça? Ben, c'était l'annonciation. OK, Monsieur le Président! Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Monsieur le Président, je vous présente Selina Reggiani. C'est une musicienne... pianiste. Oui, je sais, vous vouliez que j'annonce aussi aujourd'hui. OK, on va le faire. Aujourd'hui, le vendredi 30 septembre 2016, parce que j'ai des acolytes. Trois acolytes. Lynn, Clémentine et Chloé. La stagiaire. Chloé, c'est stagiaire parce que j'ai plus de maudite scène. J'ai tout donné à mes voyages à Paris. je leur payais la contribution, la... Comment? Le digestif. Bon, j'appelle pas ça le digestif. Je leur payais le rince gorgoton. Ils me relataient leur existence. Donc, ça donne une chaleur aux gorgottes. Quand ça gorgote plus, ça étouffe. Puis je veux pas non plus que mes invités se retrouvent sur le sol et qu'ils quittent vers les hôpitaux. Au contraire, je veux qu'ils nous disent ce qu'ils ont vécu pendant toute la période où je n'étais pas là devant mon micro. À leur demander comment ça va. Aujourd'hui, le vendredi 30 septembre 2016, les errances rénaldiennes, c'est nous ça, notre équipe, présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la Josée. Madre à Josée, Madre à Josée, un jour va se marier. Laissons ça, et ça, c'est une vieille chanson que mon oncle Roger chantait, puis il pleurait. Il pleurait pas parce qu'il la chantait, il pleurait parce qu'il avait bu au moins 2 litres de vodka. Puis quand tu bois de la vodka, ben les larmes viennent aussi. Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Célia Reggiani. Célia Reggiani est une musicienne, pianiste, compositrice, arrangeur. Elle se présente pour la première fois en tant qu'auteur, compositrice et interprète à l'occasion de la sortie de son album « Illimité ». Parce que ses textes le sont, sa musique l'est et son charme aussi, la preuve. Tu m'as tellement manqué sur le chemin au fil de ces années. Un jour on s'est perdu, j'étais déçue. Nous on était restés tes enfants malgré ton silence. Nous on était restés tes enfants malgré ton absence. Mais tu m'as tellement blessée sur le chemin au fil de ces années, à essayer de me faire croire que t'avais perdu la mémoire. Nous on ne pouvait pas comprendre que ton indifférence te protégeait bien mieux, toi qui étais sous influence. Je ne t'en veux plus, je ne t'en veux plus, c'est vrai, je ne t'en veux plus, je ne t'en j'ai fait comme si t'existais plus. Et j'ai tracé ma route, la tête remplie de tant de doutes. Toi, tu jouais au roi entouré de ta cour. Mais tu sentais parfois ton cœur sauter un léger tour. Maintenant que tu es parti pour ton dernier voyage, je peux enfin te dire la tête tournée vers tes nuages, ce que je n'aurais jamais pu te dire avant, car entre nous et toi il y avait des océans. Thank you. je ne t'en veux plus, je ne t'en veux plus. Tu m'as tellement manqué sur le chemin au fil de ces années. C'est pas la Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va. Ça va. C'est pas la Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va. Ça va, ça va. C'est pas la Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va. Et le dos, oh ça. Il faut faire avec, c'est toujours pareil. Le haut, le bas. Il faut du temps sec, du soleil. Ça va, ça va. Un peu de coryza, mais ça va, oui, ça va. Et vous, ça va. Toujours l'eczéma, mais ça va, oui, ça va. Et hein, par ça, on veut m'opérer de l'arthrose de la hanche. Oh là là, cher ami, moi c'est pire, entre nous c'est l'arthrose du genou. Avec l'âge, chacun ses petites misères. Et là, s'il n'y a pas grand chose à faire, ronger son frein, allez. Son chemin et chanter quand on rencontre un voisin. Ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas le père, mais ça va, mais ça va. Et la goutte, oh ça, un peu trop duré, il faut donc durer. Et vous, le diabète, il faut surveiller son assiette. Ça va, ça va, pas de malaria, parfois la tourista. Et vous, ça va. Plus d'influenza, j'ai guéri le tenir les dents. Ah ça, c'est pas évident, on veut me faire des implants. Là là, cher ami, moi je touche, je m'retraite, je change mes jaquettes. Être ou avoir été, c'est là le problème. On ne peut pas éviter d'aborder le thème. Mais attention, pas trop de questions. Sinon c'est l'inflation d'explications. Ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va, mais ça va. Cousin, oh bien. Au moindre bobo, c'est le placebo. La tante, elle tente. Guérir son algus par les plantes. Et l'oncle, Arthur, glissant sur la rampe, il s'est cassé la jambe. Grand-père, un dur. Il a fait le mur et c'est le col du fémur. Tout ça, tout ça. On n'est pas au mieux, mais c'est sûr qu'il y est pire. Oh là là, cher ami, oui, pour nous, on peut dire que ça va. Ça va, ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va, ça va, c'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va, c'est pas l'opéra, mais ça va, oui, ça va, ça va, ça va. C'est pas le Java, mais ça va, ça va. Et vous, ça va. C'est pas l'opéra, mais ça va. Donc tu devais prendre ta voiture, mais t'as pris le métro. En fait, au départ, je pourrais prendre le métro. Si tu veux, j'allais à pied au métro, okay. Tu vois, 10 minutes. Oui. Mais comme j'étais en retard, là, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, bon, je vais prendre ma voiture, je vais m'y arrêter dans un parking, tu vois. Bon. Mais je pouvais pas sortir parce que j'avais des gens qui étaient en train de... Ça fait 9 mois qu'ils font des travaux à côté. Et j'ai dit au mec gentiment, bon, je suis pressée, reculez la voiture. Et le mec, il était au téléphone, tu vois, et puis rien du tout, quoi, il se passe rien, il continue au téléphone. Je dis, écoutez, j'ai un rendez-vous important, j'ai un rendez-vous, je suis en retard. Et il me dit, non, nous, il faut que déjà qu'on décharge. D'abord, il y a encore trois sacs à décharger. J'ai dit, non, tout de suite. Alors là, j'ai dit, vous reculez immédiatement, vous me laissez sortir. Et là, c'est parti, oh. En insulte. Oh, oh. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Mais j'espère que le reste de la journée sera pas comme ça. Non, non, je crois pas, non. Hé, hey, Célia, ça fait plaisir de te rencontrer. Oui. Mais alors comment tu m'as connu? Parce que moi j'étais à New York quand tu m'as envoyé le, okay, le message. Ok, ben écoute, grâce à l'album. Oui, mais comment tu as connu l'album? Grâce à Internet. Ah d'accord, d'accord. Donc ouais. Le bouche à oreille. Ouais. Est-ce que tu crois au bouche à oreille grâce à Internet? Écoute, si, oui, oui, c'est sûr, j'y crois, mais si tu veux, je pense que c'est un phénomène qui marche plus pour les générations, tu vois, les trucs un peu branchés, un peu à la mode, etc. J'ai l'impression, tu vois. Non, tu crois pas? pour les curieux. Oui, c'est super. Non, non, mais c'est super. C'est super. Non, non, mais c'est des jolies surprises, si oui, tu veux. Oui, tout d'un coup, quand tu vois, j'ai des messages comme des ça. Bouteilles, tu vois, voilà, c'est super sympa. Ouais. Ouais, surtout que tu vois, On était prêt parce que tu étais aux États-Unis. Oui, j'étais à New York quand tu m'as envoyé un mot. Ouais, ouais. Mais tu es parti. J'étais à une semaine. Hein, je suis allée. Okay. Ouais. Non, mais tu es née en France. Je suis née en France, ouais. Ouais, ouais. Précisément. Je suis née à Paris et puis ensuite j'ai vécu dans le sud de la France, tu vois, dans la campagne, dans les oliviers, tu vois. Et puis je suis revenue à Paris. On est revenu. J'avais 11 ans, 12 ans, tu vois, mais c'était important le sud, la Méditerranée, tu vois, c'était un truc pourquoi important. Pour la chaleur, pour... Non, c'est mon enfance, okay. Tu vois. Ça m'a marqué quand même, oui, ouais, ouais. La nature, on était en pleine campagne, tu vois. Et puis, je suis remontée à Paris, et puis, voilà, et puis ensuite, je suis partie aux États-Unis, 4 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi Non, parce que en fait, j'avais l'intention de faire les classes d'écriture au National de Paris, et puis j'ai eu peur en fait. Et puis en même temps, j'ai rencontré un musicien. C'est le truc, tu sais, t'as 22 ans, 23 ans, c'est le truc classique. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire d'amour? Oui, c'était un peu. Ouais. L'amour nous amène loin. Voilà. Alors, je suis allée à New York, c'était pas facile. C'était un musicien saxophoniste, Carter Jefferson, il s'appelle, le jazz. Et... Parce que toi, tu t'intéresses au jazz aussi. Ben moi, je viens de. Ouais, en fait, si tu veux, je peux pas dire que je viens de là dans le sens où je. À proprement parler, c'est pas ma spécialité, tu veux, mais si, quand même, c'est quand même. Tu vois, c'est mon langage. Ouais, mais comment ça, à la maison, est-ce qu'on jouait est-ce qu'on écoutait du jazz? On écoutait plein de choses à la maison. J'avais, tu sais, mon père, donc tu connais, tu sais, bon. Donc, alors j'avais un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Bedos, qui était son directeur artistique, que j'aimais beaucoup, qui était chez Polydor. Et Jacques venait, on était, tu vois, moi j'étais même pas adolescente. Elle venait, il amenait toujours des tas d'albums de chez Polydor. Donc tu vois, j'ai découvert plein de trucs à travers Jacques. Ils ont une étiquette jazz assez... C'était pas tellement seulement jazz, mais tu vois, il y avait Tania Marie, il y avait du blues, il y avait plein de trucs. On a pris Vian, mais Vian vient du jazz aussi. Vian, ouais, alors moi je trouve que Vian, ouais, il vient du jazz, mais c'est le jazz, c'est le jazz français débutant, si tu veux, pour moi, tu vois, ouais. Mais toi, t'es auteur, compositrice, interprète? Moi, je suis auteur, compositeur, interprète, voilà, ouais. Ah, tu préfères dire auteur, compositeur? Non. Ok, compositrice? Oh oui, compositrice, okay. Si tu veux, non, ça m'est égal, ouais, pour moi, c'est pareil. Oui, effectivement, ouais. Et toi? L'instrument que tu préconises, c'est le piano. Alors, oui, c'est le piano, le clavier. Tu vois, là, je viens de faire un... Parce que là j'ai fait l'album, OK? Là, je viens de faire 7 spectacles. J'aimerais bien, d'ailleurs, que ça continue, mais c'est super difficile. En ce moment, en France, comme tu sais, tu vois, il y a quand même une super crise. Mais là, je fais un truc avec mon fils, qui a 22 ans, qui joue la guitare et qui chante. Et donc, on a fait, si tu veux, l'album, on l'a repris en duo. Ce qui est difficile, hein, tu vois, parce qu'il n'y a même pas, tu vois. J'ai écouté l'album à plusieurs reprises, ouais. Puisque c'est vraiment pas un album commercial, c'est un album qui se laisse approprier. Oui, c'est ça, c'est ce qu'a dit Moustaki, tu vois. Parce qu'il l'a écouté. Oui, Moustaki, il l'a écouté, il a exactement, il a dit, plus je l'écoute, plus ça me plaît, tu vois, c'est exactement ça. Alors, c'est quoi un disque, oui, qui se fait... comment dire, un peu comme le Petit Prince, on doit l'apprivoiser. Oui, exactement. Et l'intérêt de cet album-là, à mon avis, c'est un album d'arrêt, de réflexion, et non pas un album factice que l'on va oublier à court terme. Tu me fais un compliment. Non, mais c'est vrai, ouais. Tu places le CD, et dans n'importe quelle circonstance, il y a une chanson qui va te... cette journée-là et une autre journée, ça sera une autre. Ouais, ouais. Et on sent, avec le piano que tu utilises, on sent que c'est quelque chose de ressenti. Tu as pris ton temps pour le faire, l'album? Oui, en fait, si tu veux, j'ai fait un premier... On a fait des bases, tu vois, en live, avec contrebasse, piano, guitare... pas guitare, percussion. Bon. Et puis, petit à petit, j'ai refait les choses, tu vois, j'ai modifié des choses, j'ai... Mais est-ce que j'ai pris mon temps? Bah, les chansons étaient là, si tu veux. Elles sont, tu vois, quand j'ai décidé de faire cet album. Bon, j'avais d'abord Je ne t'en veux plus, À Paris c'est l'hiver, tu vois, des chansons assez chansons françaises au fond. Et puis petit à petit, voilà, l'inspiration est venue, j'ai pris confiance et j'ai continué à écrire. Donc les chansons étaient déjà là. Après, si tu veux, moi ce que j'aime, et c'est ça, ça vient du jazz, c'est que l'album c'est une chose, les chansons, j'aime les, tu vois, les, quand tu chantes, si je le fais avec d'autres musiciens, ça va sonner différemment, tu comprends, voilà. Et c'est la beauté de la chose, voilà. C'est ça que j'aime. C'est pas sclérosé, l'album c'est quelque chose, c'est une carte. Oui, c'est un spectacle. Je vous invite, venez voir, venez vivre les chansons. Et c'est l'intérêt de, on appelle ça de l'art vivant. Chaque spectacle est différent, mais aussi lorsque tu te lances dans ce genre d'aventure là, qui est vraiment pas commercial, c'est une invitation que tu amènes à chaque personne. Venez, on va vivre une expérience. Oui, alors tu vois, sur le plan pas commercial, oui bien sûr, hein, tu vois, c'est pas du rap, c'est pas... Mais je pense que, alors sur scène, c'est rigolo parce que, en fait, je fais de la musique quand même aussi pour musiciens, en fait, tu vois. Donc les musiciens qui viennent, en général, et la musique de ces chansons, c'est de la musique qui est plutôt... la musique internationale, tu vois. Donc cette musique-là, en général, on l'entend avec de l'anglais, on l'entend avec du brésilien, du portugais, voilà. Mais pas en français. Et tout d'un coup, ben en général, enfin ça, tu vois, en français, en France, on fait pas tellement ce genre de chansons avec ce genre de musique, tu vois. Et les musiciens qui viennent, ils entendent de la musique et tout d'un coup, ils ont cette espèce de fil conducteur qui est le texte. Et tout d'un coup, il y a un truc en plus, tu vois, ils découvrent quelque chose, parce que nous, les musiciens, enfin, moi, je suis musicienne avant tout, tu vois, j'écoute, la musique que j'aime, c'est quand même, c'est pas la musique française, c'est quand même la musique internationale, tu vois. Et en plus, la je fais beaucoup, musique. Voilà, world, jazz, tout ce que tu veux, qui groove, avec de l'harmonie, etc. Tu vois, en France, aujourd'hui, on est quand même dans une chose un peu pauvre, tu vois, au niveau de tout ça. Est-ce que c'est de l'ancien jazz ou du jazz classique standard ou... Ah non, pas du jazz classique, non, c'est du jazz dans toute son ouverture. Pour moi, le jazz, c'est d'être créatif, c'est d'être capable de ne pas être sclérosé à l'instrument. C'est bon, c'est un mais peu aussi, ça. Ça vient de l'improvisation. Mais jazz. C'est ça ce que je te dis. Voilà. Et c'est ce qui voilà. Laisse en tout, c'est le côté. Oui, c'est quelque chose qui laisse un espace à effectivement l'improvisation, autant dans le, tu vois, dans une coda, dans une intro, dans quelquefois dans un chorus. Mais un chorus, tu vois, un chorus, c'est un truc un peu bon, voilà, c'est aussi un truc cadré, formaté, jazz, bon. Mais c'est aussi cette attitude d'être capable de même de chanter, tu vois, de chanter de changer les notes dans le, tu vois, dans la voix, il faut avoir des moyens pour pouvoir le faire. Mais aussi il faut aussi avoir les connaissances musicales, on peut pas bah, s'y lancer dans l'improvisation. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup de travail à la maison mais en même temps, quelle belle ouverture que le jazz à travers les écrits que tu proposes. Ouais. Parce que tu as une écriture tout à fait particulière. Tu n'as pas une écriture refrain couplet, refrain couplet. Tu as une écriture tout à fait poétique. Ouais. C'est comme dans un mirage, mon amour. Nos pensées tourbillonnent comme ces flocons glacés qui volent et s'abandonnent sur les pavés gelés. Voici le réverbère, on s'en souvient encore. Il a toujours son air de vieux gardien qui dort, mon amour. Que dans nos deux cœurs désunis, qu'on entend un drôle de se blottit dans un parfait silence. On s'est déjà tout dit, ça n'a plus d'importance. Mon amour, on se tient par la main, mais il est bien trop tard. Chacun va son chemin, chacun va son histoire. Au bout de cette rue, on se séparera, la neige à notre insu effacera nos pas. Mon amour, c'est l'hiver, oh, c'est l'hiver, tout va ralentir. Il n'y a que dans nos deux cœurs désunis qu'on entend un drôle. Savez-vous ce qu'elle fait? Elle se lave le filet. Quand on veut qu'un tigre ait quelques prestiges et qu'on ait poinceau, on le surnomme Clémenceau. Quand une girafe a besoin d'agrafe, les médecins d'Afrique ont besoin de beaucoup de fric. Quand une panthère s'en va à Nanterre, elle prend son sidecar car elle n'aime pas les jaguars. Messieurs, mesdames, entrez dans notre grand cirque, découvrez notre Amérique. Au jardin zoologique, l'homme est le plus grand comique. Un coléoptère en hélicoptère, ça sert à que dalle, mais à quoi sert un général? Un perroquet bègue qui se prend pour Don Diego est moins chahuté souvent qu'un cours de faculté. Un manchot qui trotte derrière une manchotte, ça n'est pas toujours plus drôle qu'un notaire mort d'amour. Grenouille dans une mare, ça c'est pour la gloire, ce n'est un métier que dans les eaux d'un bénitier. Messieurs, mesdames, entrez dans notre grand cirque, découvrez notre Amérique. Au jardin zoologique, l'homme est le plus grand comique. Des requins qui nagent, il y en a plein les plages, il y en a plus encore quand c'est des plages de disques d'or. Il paraît que l'homme est un loup pour l'homme, soit dit entre nous, c'est pas très gentil pour les loups. On fait des courbettes plus bas que les bêtes, on est des rampants bien plus rampants que les serpents. On est une espèce dont la côte baisse, qui grâce au neutron est en voie de disparition. Messieurs, mesdames, entrez dans notre grand cirque, découvrez notre Amérique. Au jardin zoologique, l'homme est le plus grand comique. Allez, allez, messieurs, dames, approchez, approchez. Entrez dans notre grand cirque, vous y verrez un animal extraordinaire. Le plus bel animal que la création ait fait. L'homme, l'homme, l'animal le plus fou, le plus fou, plus fou que le loup, plus rampant que le serpent, plus féroce que le rhinocéros. Approchez, approchez, entrez, entrez, messieurs dames. Des marsons, des petits, des marsons, des fardons, des méduses, des carreaux et des buses. C'est très beau, ça m'amuse. Il y a des chameaux, des poissons, des gémeaux, des fourmis, des cicades, des souris, apicales, des babouins, des babouins. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Son sang mêlé d'Indiens d'Afrique, de rouge et noir en chromatique, son histoire. Année de feu, année de cendre, un demi-siècle en Amérique, sa mémoire. Petit-fils d'un esclave qui fuyant vers le nord, encore et encore, fut sauvé par une Cherokee de Baltimore, qui l'aima jusqu'à la mort. Quand on grandit dans les ghettos, que la musique remplace les mots inutiles, on sait déjà qu'on n'a pas le choix, faut prendre la tangente au galop, funambule sur le fil. Les blouses du vieux sud migrent vers les métropoles en semant leur bémol. Les gospels du dimanche devenaient le symbole. Pasteur King avait pris la parole. Je partageais tout, les joies comme les idées noires. Captive jusqu'où, captive jusqu'où, de son destin. Je partageais tout, les joies comme les idées noires. Captive jusqu'où, captive jusqu'où, de son destin, de son destin. Passionnément aimé New York, divine amante qui provoque de trottoir en trottoir. Mais New York est une sacrée chienne qui taille les vies dans son roc et les broie au hasard. Comme un marin perdu sans bouteille à la mer, éternel solitaire. Son âme jusqu'au dernier joker, dernier voyage, le grand mystère. Je partageais tout, les joies comme les idées noires. Captive jusqu'où, captive jusqu'où, de son destin. Je partageais tout, les joies comme les idées noires. Captive jusqu'où, de son destin. Tu parles des textes? Oui, non, pas du tout. Ok. Non. Alors, les textes, d'abord, c'est pas moi qui ai tout écrit, hein, les textes, il y a Céline Rigui, il y a Médéric Bourg, Mais tu mettais ton grain de sel quand même, c'est toi. Non, non, il y en a. Oui, oui, je ne t'en veux plus. À Paris, c'est l'hiver, c'est moi. Ouais. Si tu veux, en fait, j'aurais jamais osé faire ça. Mais je me suis rendu compte que, au fond, si je faisais justement un peu comme les anglophones, à savoir que je me reposais sur la musique pour écrire mes textes, j'avais pas besoin d'être. Tu vois, d'avoir fait l'ENA ou je sais pas quoi, tu comprends ? Je veux dire que, en fait, c'est le texte avec la musique, c'est une histoire de, c'est une histoire de balance, d'équilibre. Si tu es trop poétique avec une musique qui est très sophistiquée, ça fonctionne pas parce que tu sais plus ce que tu dois écouter, tu comprends ? Donc la poésie et je me suis dit, si tu dis je t'aime, un truc tout bête, ce que font quand même, tu vois, tous les anglophones, quelquefois ils racontent des choses très sophistiquées, mais si tu veux, souvent dans un langage assez simple, tu vois, assez direct. Et en fait, c'est la musique qui donne l'émotion et la classe de ce que tu es en train de raconter, tu vois ? C'est pas la poésie elle-même, tu comprends ? C'est pas le mot, tu comprends ? On peut pas faire de la poésie... Voilà, c'est ça. Mais Leonard Cohen, comme par hasard, ou même, genre, tu vois, Brassens, ils font quand même des choses, sur le plan de la musique, c'est très simple, hein, au contraire. Oui. Ça laisse énormément de place. Tu comprends ? C'est une histoire d'équilibre. Oui. Moi, je suis une musicienne, donc si tu veux, le texte, c'est là pour éclairer l'émotion de la musique, tu vois, et non pas le contraire. Et souvent, en France, on dit, ah oui, nous, ce qu'on écoute en premier, c'est les textes. Ben non. C'est pas systématique, hein, tu vois. Pourquoi les textes en premier, pourquoi, tu vois. Ce qui est intéressant aussi dans ton album, dans l'enregistrement, si on parle d'enregistrement, c'est que normalement, lorsque tu écoutes un album français, puis je crois que Gainsbourg était le premier, c'est qu'on entend la voix au début et la musique. Mais toi, au contraire, c'est l'osmose, c'est la beauté, c'est le velours que tu places à travers la musique et ta voix. C'est vraiment l'amalgame. Ça, je le fais. Écoute, je pense que la voix, d'une certaine manière, c'est vrai que c'est un peu la transmission paternelle dans le sens où ma manière de chanter, il y a quelque chose, si tu veux, j'ai retrouvé un peu quelque chose de mon père, en fait, si tu veux. Sans chanter comme mon père, hein. Mais je veux dire que... Mais en même temps, je passe pas par la même chose que lui. Lui, c'était un interprète. Moi, je passe par la musique. Moi, je passe par la musique. Mais c'est la musique, tu vois. C'est vraiment... c'est la musique. Et le texte, il est évident, mais oui, bah, de toute façon, alors, c'est pas toujours facile, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, avec Matteo, avec mon fils, Matteo Michelino, j'adore, parce que quelquefois, ça me permet aussi de lâcher le piano, tu vois. Et de sortir le piano. Voilà. Ouais, enfin, pour l'instant, si, tout à fait, je pourrais faire exactement. Mais c'est vrai que tout d'un coup, si je suis dans une balade où je suis moi piano-voix, bah tout d'un coup, je décide de faire un silence, tu vois, c'est en osmose avec moi-même, quoi, tu vois, j'ai toute la liberté, je fais ce que je veux. Et on sent aucun décrochage, ça va avec le spectacle. Oui, tu vois, c'est... Tu vois, à l'impulsion aussi, tu vois, au sentiment. Oui, c'est ça. Et... Enfin, je vais à la musique, tu vois, la musique, c'est l'émotion. C'est la vibration. C'est la vibration, c'est le sentiment, la musique, tu vois. Donc, bien sûr que je chante le texte, mais une fois que tu as établi le texte cohérent avec la musique, moi, ça passe par l'émotion de la musique, surtout, tu vois. Mais quand tu es parti aux États-Unis, est-ce que c'était pour prendre le recul, Non, c'était la musique, j'étais complètement... en fait, mais j'ai pas fait grand-chose, hein, parce que je suis arrivée là-bas, en fait, tu vois, j'ai vécu à Harlem, je me marre, parce que je suis retournée là, j'étais à la 104e, j'étais à la 103e, j'habitais 104th Street, ouais, 104e rue, East Side, j'étais dans Spanish Harlem, mais si tu veux, dans les années 83, c'était quand même assez, tu vois, ouais, c'était très underground, ou alors on était dans le Lower East Side, et le Lower East Side à l'époque, tu vois, c'était aussi underground. Ouais, ça a changé, mais il y a encore, moi j'ai trouvé qu'il y a encore un truc complètement animal là-bas, ouais. Et en fait, j'ai absorbé là-bas. J'étais serveuse, je faisais rien d'autre, tu vois, oui. Mais j'ai appris énormément, j'ai rencontré beaucoup de musiciens, parce que Carter était, tu vois, il c'était un musicien, il était avec Art Blakey, avec Edwin Jones, avec, tu vois, tous les grands du jazz. Donc j'ai rencontré quand même des grands musiciens. Et surtout, je les ai entendus, quoi. Mulgrew Miller, Cassandra Wilson, je les ai vus répéter, je suis partie là-bas, je ne connaissais pas du tout les standards de jazz, etc. J'ai appris d'oreille, sans jouer vraiment moi, mais j'ai vraiment beaucoup appris, quoi. Mais j'ai emmagasiné, je me suis nourrie. Ah, voilà. Mais c'est bien. Puis en plus, tu étais sur place, donc tu étais dans l'environnement qui allait. Ouais. Après, c'était super difficile quand même, donc je suis quand même rentrée en bonne petite française. Et c'est super parce que je suis rentrée en même temps. Après, en France, j'ai découvert la world music. Ah oui, oui. Parce que là, tout d'un coup, moi, quand je suis arrivée en 87, et là, il commençait à y avoir vraiment un mouvement avec des super musiciens, la fusion avec l'Afrique, avec l'Afrique, le Brésil et tout. Donc là, je suis complètement nourrie, moi, de tout ça. Quoi. Et tu t'es éclatée aussi avec ça. Mais j'ai joué ça, j'ai joué pendant des années avant de faire mon album en chantant. Je ne chantais pas du tout. Hein. Je faisais éventuellement des chœurs, etc. Mais je n'étais pas du tout. Est-ce que c'est lourd de s'appeler Jenny? Ah oui, ça, tout le monde me pose la question. Ça a des bons côtés et d'autres côtés plus difficiles, mais qui ne sont pas dus au fait de s'appeler Reggiani. La difficulté, c'est que ma relation à mon père, elle n'était pas facile. Mon père était quelqu'un de difficile. Et, difficile d'approche ou difficile dans la vie. Ça a été difficile. Notre histoire avec lui a été difficile. La vie d'une manière un peu plus frontale. Non, c'est pas ça, c'est que c'est le rapport avec ses enfants, ça a été compliqué. Okay. Voilà. Avec ses femmes, il y a eu tout d'un coup un moment où, entre l'alcool et tout ça, on a eu un peu l'impression d'avoir été finalement un peu renié quelque part à un moment. Est-ce que tu l'as récupéré? C'est plutôt ça la difficulté, c'est pas le fait d'être Reggiani ou pas, c'est le fait qu'il nous a absolument pas, il s'est pas du tout préoccupé de nous. Les 20 dernières années de sa vie, il n'a rien fait pour nous, rien du tout. Il ne nous a pas récupéré à la fin de sa vie. Ah, mais rien du tout. Il s'en balançait puis en tout cas. Il était dans son monde. C'est plus compliqué. Mais il était dans son monde, tu sais, avec son... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, dans son... Et vous n'en faisiez pas partie. Dans son dernier mariage, exactement. Ouais. Et dans son alcool, et son dernier mariage, exactement. Voilà. On n'en faisait pas partie. Et c'est ce que je dis dans Je ne t'en veux plus. Ouais. Est-ce que nous, on ne pouvait pas comprendre que ton indifférence te protégeait bien mieux, toi qui étais sous influence. Sous influence de plusieurs choses à la fois. Est-ce que tu lui en veux? Oui, bien sûr. J'en ai. Alors, tu n'as pas fait... Non, ben, je ne t'en veux plus, je lui en veux quand même, bien sûr. Bien sûr. Enfin, oui, je lui en veux et en même temps... Non, mais ça a marqué quand même. On a eu beaucoup de mal à avoir confiance, à avoir... c'est pas facile la place. Quand on a un nom et qu'on n'est pas défendu, il y a beaucoup de gens qui se font un plaisir de c'est le prince déchu, vous voyez, hein, tu vois, c'est ah ouais. Ben moi, il y a un mec un jour qui a dit, un mec important, je ne dirai pas son nom, qui a dit « Oui, Reggiani, pas un bon père. Oui, ben, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tout avoir. » C'est-à-dire, il s'appelle Reggiani, on va pas, en plus de ça, demander d'être un bon père. Voilà. Donc voilà, moi j'ai entendu ça. Donc voilà. Dans un documentaire, tu vois. Oh, ok. Oui. Ok, c'est pas la radio. Non. Mais ça, c'est plus cruel. Ouais. Je m'en fous, ça m'étonne pas. Au moins, je me dis, voilà, au moins c'est dit, c'est clair. Oh, voilà. Oui, exact. En fait, c'est clair, c'est nous, voilà. Donc nous, on se démerde. Voilà, nous, les enfants de Reggiani, on se démerde. Elle est le moteur, démarrer doucement, mais livrer son cœur aux grands ouragans. Yeah. Faire hurler les chevaux, perdre le contrôle, sans économie, sans jouer de rôle. Yeah. Déboucler la boucle de ce jean serré, et boucler la boucle en étant resté jeune. Jeune, tout le temps, toute sa vie jusqu'au bout, rester jeune. Oh, et fou. Pas caler le moteur, démarrer doucement, accélérer très progressivement. Yeah. Rester un gamin pour toujours vouloir tracer de sa main des graffitis noirs. Graffitis noirs. L'innocence perdue donne des rides à l'âme. Avoir tout connu éteint toutes les flammes. Rester jeune, jeune, tout le temps. Toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, jusqu'au bout, rester jeune. Oh, et fou, et fou, et fou, et fou. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jeune, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pas quel est le moteur, surveiller parfois le niveau d'essence pour qu'il ne descende pas. Yeah. Et même si l'amour n'est plus facile à faire, même s'il impose de porter un impair. Yeah. Déboucler la boucle de ce jean serré et boucler la boucle en étant resté jeune, jeune, tout le temps. Toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, jusqu'au bout rester jeune. Oh, oh, oh, et fou, jeune, restez jeune. Restez jeune, jeune, jeune, jeune, jeune, jeune, et fou. Voilà, on fait et moi je suis, j'ai un grand plaisir à faire ce projet, parce qu'en plus je le fais avec Mathéo, donc avec mon gamin, donc ça c'est vraiment sympa, c'est super. J'ai l'impression de transmettre, et en même temps lui il fait des choses que moi je suis incapable de faire, hein, tu vois, c'est super quoi. Est-ce que l'alcool pour toi est un ennemi? Est-ce que tu fais attention, toi, quand tu vois ton corps? Alors moi, écoute... Ton rapport avec l'alcool doit être assez particulier. Non, alors écoute, mon rapport avec l'alcool, mon rapport à moi, je ne parlerai pas de reste de famille. Ces dernières années, les 10 dernières années, je m'étais habituée, je suis pas alcoolique, mais c'est vrai qu'il fallait que je teste un peu. Et donc j'ai bu, je buvais régulièrement tous les soirs, tu vois, j'adore le pinard, j'adore le vin et tout ça. Et puis effectivement, un jour, j'ai décidé qu'il fallait, voilà, et là maintenant, je prends beaucoup de temps, beaucoup de plaisir à faire ça, c'est-à-dire que je bois quand je suis avec des amis, c'est vraiment quelque chose de social, je ne débouche pas une bouteille systématiquement tous les soirs à la maison. Mais je n'ai pas peur de l'alcool parce que je sais que je ne suis pas alcoolique en fait, voilà. Par contre, chez les autres... Mais comment tu peux savoir que c'est parce que tu as vu ton père qui lui l'était et tu sais très bien ce que ça veut dire? Oui, exactement, voilà. Enfin, je sais très bien, tu sais, ça m'a pris toute ma vie à savoir à ce que ça veut dire. Parce que l'alcool, ça détruit plus que ce qu'on croit, en fait. Ça détruit la mémoire. Ça détruit la mémoire, ça refait l'histoire complètement fantasmée. Mais complètement, hein, oui, oui. En plus, il fallait quand même, quand on est un enfant d'alcoolique, c'est compliqué parce qu'on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas toujours la part des choses entre l'influence de l'alcool et ce qui n'est pas l'influence de l'alcool, tu vois. Donc on vit en tant qu'enfant des violences, des trucs. Je ne te parle pas de violence physique, hein, mais morale, tu vois. C'est, tu vois, tu vis des trucs. Parce que tu n'as pas de bleu. Quand on frappe, ben là, il y a quelque chose. Oui, je sais pas ce qui est pire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez pervers, en fait. Parce qu'après, il faut démêler, tu vois. Il faut arriver à faire la part entre, tu vois, l'alcool et pas l'alcool. Est-ce que suite à ton enfance difficile, parce qu'on peut dire que c'est une enfance difficile. Écoute... Mais ta mère, est-ce qu'elle t'a placé dans un cocon pour ne pas... Oui, ma mère, elle a été très, très... Elle a eu sa folie aussi, mais elle a été mère jusqu'au bout, par contre, ouais. As-tu consulté après pour pouvoir t'en sortir? Moi, la psychanalyse à mort, à fond la caisse, ouais. Je suis encore en analyse. Est-ce que c'est ta vie? Hein? Est-ce que c'est pour la vie? Écoute, je sais pas, j'ai très tardivement fait un album, et je veux dire, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi d'être... Pourquoi t'as entendu aussi longtemps? Ben justement, c'est pour ça que je suis en analyse, hein, tu vois, c'est parce que tout ça, j'avais tous ces trucs qui me bloquaient, qui fait que j'arrivais pas tu vois, à avancer. À rentrer avec toi-même. À rentrer avec moi-même. À rentrer en communication avec toi-même. Ben, si, j'étais en communication, mais c'est vrai que... Tu sentais des blocages, tu sentais des murs, tu sentais des... Ouais, et puis toujours dans la frustration en même temps, tu vois, parce que ce genre de truc, ça, tu deviens hargneux, tu deviens un peu dans l'amertume, tu vois, donc... C'est aigri. Voilà. Oui, oui, l'aigreur est pas loin, tu vois, donc c'est ça, il faut... Mais toi, lorsque tu as eu des enfants... Ouais. Est-ce que tu voulais faire autrement pour pas retranscrire ah oui, ce que tu as dit? Je fais absolument autrement. Alors là, je vais te dire, mais c'est pas du tout la même chose. Ah, parce que toi, tu savais. Oui, et puis tu vois, ben moi j'ai vachement. Moi je suis très admirative de mon gamin, de mon fils. Enfin, je suis. Et lui aussi d'ailleurs, je crois que. Enfin, voilà, son sans être dans un. Oui, alors sans être dans un miroir, parce que tu sais, les parents, tu sais, ah mon fils, regarde, il est génial. Bon, c'est fatigant ça. Mais c'est vrai que je. Voilà, je l'encourage. Ouais. Est-ce que c'est entre autres lui qui tient dans les racines de la musique actuelle? Ou si c'est toi-même, par la curiosité, tu y vas sans même te faire diriger par les plus jeunes? Écoute, par exemple, Mathéo, là, dans ce qu'on fait tous les deux, ouais. Ça, c'est vrai que c'est vraiment a breath of fresh air, tu vois. D'abord, il groove beaucoup, donc tu vois, il y a un truc qui ramène beaucoup au groove et tout. Et puis lui, il chante aussi, il chante une chanson en anglais, tout seul. Et puis, c'est une compo, si c'est... Oui, oui, il compose lui aussi, il chante une chanson à lui. Et il chante une chanson en portugais parce que son père est brésilien. Silvano, et donc tu vois, il chante très bien aussi, il puise énormément, tu vois, dans tout ce truc du Brésil, donc, et moi, j'étais très inspirée aussi par la musique brésilienne, donc tu vois, tout ça, c'est quand même relativement cohérent, et puis en plus, ça me fait super plaisir de le, tu vois, voilà, oui, oui, c'est super, mais voilà, et il faut faire les chœurs, on chante ensemble, bon, je sais pas de combien de temps ça durera, parce que tu vois, en fait, il y a pour ainsi dire, pas de concert, tu vois, c'est très difficile de trouver du boulot, mais voilà, on a fait une captation, donc ça c'est bien parce qu'on va avoir, tu vois, on va pouvoir un peu... faire quelque chose avec ça. Bah essayer, ouais, de trouver quand même des concerts, ouais, parce qu'en fait c'est un peu ça. Moi l'histoire c'est ça, tu vois, c'est de faire vivre l'album en faisant des concerts, tu vois. Le reste, la vente, je sais pas combien, tu vois, combien ça va vendre, mais... Est-ce que ça a été difficile à sortir cet album? Ah oui, ça a été super bien. Tu en as ramé un coup? Hein? En as-tu ramé un coup? As-tu des difficultés? Ben, tu sais qu'en fait, au début, j'avais beaucoup d'expectatives, tu vois, et puis tu es allé de déconvenu en déconvenu. Et du coup, c'est aussi une leçon de modestie, tu vois, parce qu'en réalité, depuis le départ, je suis sortie cet album chez Musicast, et c'est Julien Cartudo qui, depuis le départ, était... Ouais, croyant au projet. Voilà. Mais sauf qu'on n'avait pas les moyens de sortir, parce que sortir un album, tout le monde peut le faire, mais le problème c'est qu'il fallait, il aurait fallu avoir un peu d'argent pour pouvoir faire un concert de sortie, etc. Ouais, donc, la promotion, la promo. Voilà. Donc j'ai fini par... accepter de faire un disque, mais sans avoir un lancement prestigieux. Exactement, j'ai fait cette date dans un petit théâtre. Ils m'ont accueilli adorablement, heureusement. Mais... C'est déjà, j'ai pas eu besoin de payer. Pour... Voilà, moi, je voulais pas payer pour ma gueule, pour une soirée, une sortie mais d'album. En même temps, tu m'en parles, je trouve que ça va bien avec l'album. C'est un album qui se laisse... écouter, qui se laisse apprivoiser, qui se laisse aimer et qui ne doit pas s'imposer. Et c'est ce que tu as fait comme lancement, un lancement qui ne s'imposait pas. Ouais, ça serait bien que ça soit un peu plus, qu'on en parle un peu plus quand même, tu vois, mais c'est vrai que... Quand je suis ici, c'est super. Et on va commencer à diffuser avec la rencontre, donc c'est quelque chose, il n'y a rien de... Un lancement, c'est un lancement, c'est juste une journée, mais un album, c'est pour la vie. Oui, oui, bien sûr. C'est une carte de séjour, présentation. Oui. Non, mais en fait, c'est ça. Alors, tu vois, après, voilà, je me suis retrouvée dans cette sortie d'album, comme si, tu vois, l'eau est froide, en fait, quand même. Donc, si tu veux, mais une fois que tu es là, il faut que tu nages. Donc, tu nages, tu vois. Ouais. Et puis, tu regardes en rien, tu te dis, putain, si on m'avait dit tout ça, je suis pas sûre que j'aurais... Tu vois, parce que quand t'as déjà fait tout le métier, tu vois, ça fait des années que je joue, que j'accompagne les uns les autres. Donc, je me retrouve comme si j'avais 20 ans à porter mon clavier, à installer, tu vois, la sono, comme si, tu vois, voilà, comme tous les minots de 20 ans qui vont dans les cafés, qui jouent et tout, tu vois. C'est une leçon de modestie, je te dis, tu vois. Mais c'est mieux quand tu veux arriver, tu vois cette flamme, tu vois cette énergie, tu es un soleil. Merci. Mais est-ce que tu le sens? Est-ce que les gens te le disent? Est-ce que tu es lumineuse? Ben, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand là, les concerts que j'ai faits, j'ai eu des retours quelquefois de musiciens qui m'ont fait un plaisir fou. Julia Starr, qui est une chanteuse que j'adore, qui est une Sénégalaise, qui a une voix sublime, et Fred Soul, son mari, qui sont venus, qui étaient vachement émus. Ça m'a vachement ému, même qui viennent m'écouter. Nuenley, enfin, il y a eu des Jean-Philippe Riquier, il y a eu des gens comme ça qui sont venus. Ça m'a vraiment touchée, parce que c'est vrai que tout d'un coup, c'est aussi une reconnaissance des musiciens, moi, que j'aime, et donc ça, c'est chouette. Mio zio famoso rigattiere vive la sua vita in uno scantinato, eppur essendo autodidatta ha la mente adatta a fare lo scienziato. Lui come un grande luminare passa le sue ore a fare esperimenti, ma poi la sera su da noi narra gli avvenimenti e si rilassa un po'. Per fabbricar la bomba, ragazzi miei, si sa che non ci vuole niente. Per mettere il detonatore bastano due ore per chi è intelligente. Riguardo poi la bomba H, certo porca vacca, ci ho studiato un pezzo. C'è il fatto che in raggio d'azione tocca malapena 4,5 metri. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Ha cominciato martedì a dare segni di violenza concentrata. Quando è venuto su da noi aveva lì con sé la bomba incriminata. E solo quando ha preso fiato che ha ricominciato a raccontare la storia, tenendo in braccio quell'ordigno, la sua creatura e il suo bel bebè. Non basta non guardare lo specchio per sentirsi meglio, non sentirsi vecchio. Ormai il cervello mi si squaglia ed anzi a dirlo chiaro pare una brodaglia. Ho perso tutta la mia vita dietro la questione della sua portata. E non mi sono reso conto che il problema bomba è dove va tirata. C'è qualcosa che non va, do un'occhiata e torno qua. Sapendo prossimo e scontato questo risultato di grande importanza, i maggiorenti dello Stato sono venuti tutti per rappresentanza. Ma appena loro sono entrati lui li ha chiusi dentro ed ha gridato calma. Però quando l'aggeggio è esploso, livido e corroso, c'era solo lui. Davanti a questo risultato lui non si è smontato, anzi ma che niente. Se vuoi lo puoi vedere lì davanti al gran giurì guardato da un agente. Signori della corte, io lo giuro innanzi a Dio che è un fatto di coscienza. L'averli fatti fuori un bene tanto per la Francia quanto per la scienza. Non potendo dir di no, il giurì lo condannò e dopo l'amnistiò. E il paese lo premiò, lo elesse senator per meriti d'onore. Et puis des gens qui sont pas musiciens, et effectivement, par exemple, j'ai joué devant un public des retraités de la mairie de Paris, donc des gens quelquefois qui avaient 80 ans, hein. Et je me suis dit, merde, je suis réussi à les tenir quand même. Voilà. Ils attendaient, ils étaient un peu déçus parce qu'ils pensaient que j'allais chanter plein de chansons de mon père. Donc je leur ai dit, si, bien sûr, mais je fais à ma sauce. Moi, je ne peux pas. Alors, je fais Fleur de Méninges en bossa. Ah, c'est quand même très peu connu, cette chanson-là. Oui, je vais reprendre Les Loups ou Le Petit Garçon. Non, voilà. Non, ouais. Alors, je reprends Quand j'aurai du vent dans mon crâne. Oui. Ah, mais ça, c'est assez tout bien. Oui, ça, c'est... oui, je reprends les trucs du début. Et puis, La Vieille. Ah oui. Qui est une très belle chanson. Et, mais si tu veux, moi, je la reprends parce que... Mais c'est écrit par Gainsbourg, hein. Ouais. La deuxième. C'est Gainsbourg, ouais. Gainsbourg vient. La deuxième. Mais j'ai complètement transformé, tu vois. J'ai Gainsbourg vous a renié à la fin de sa vie. Ah bon? Ouais. Il a renié cette chanson-là? Je vais te dire, il est passé à Québec à une émission qui s'appelle Adlib. Ouais. Adlib. Ouais. Et avec l'animateur Jean-Pierre Coilier. Tu peux le voir sur Internet. Et l'animateur dit, ben, on va vous faire jouer quelques chansons et vous nous direz si ça vous dit quelque chose. Il a fait... Ils ont entamé la chanson. Ils disent, ah oui, c'est une chanson que j'ai écrite pour ce vieux con. Ils disent, on oublie, on est pas. Pour ce vieux con, c'est qui le vieux con? C'est Gainsbourg? Non, c'est... C'est mon père? C'est vrai? Carrément? Ah ouais. Ah, mesdames, messieurs, voici de la bien belle visite rare. Monsieur Gainsbourg est au Québec pour la présentation de son film Stand the Flasher au Festival international du cinéma de Rouyn-Noranda. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Mesdames, messieurs, Adlib est très honoré d'accueillir de Paris, France, monsieur Serge Gainsbourg! Hey! We'll be right back. aimez ça. Vous aimez vraiment ça, vous faire un plaisir, hein? Ouais. Ouais, il faut en allumer une d'abord. Monsieur Gain, avez-vous reconnu la musique? Avez-vous reconnu la musique qu'ils ont joué, les copains, pendant que vous êtes arrivés dans la bouquin? Tabarnak! Tabarnak, mais vous avez pas appris ça à Rouen, monsieur Gainsbourg? Ouais. Vous avez des Français qui vous ont montré ça en France. Avez-vous reconnu la musique que les copains ont joué tout à l'heure? Non, mais un tout petit bout. Un petit bout, là. C'est de moi? J'ai oublié. Qu'est-ce que c'est, bordel? C'est pas bordel. Non, c'est pas bordel. C'est de moi? C'est de moi? Enfin, les paroles sont de Serge Gainsbourg. La musique aussi, ça. On le sait plus. C'est la chanson de Régionie, c'est de l'air dans mon cerveau ou quelque chose dans mon crâne. Mais c'est pas de moi. Quand j'aurai de l'air dans mon crâne. Ah, mais c'est pas Régionie, c'est... C'est pas Régionie, ça. Pas Régionie, ça. Petit... Ah ouais, d'accord. C'est vieux con. On oublie. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera une impression fausse, car il me manquera mon élément plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidule, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon sur quoi je m'asseyois, mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cérules, mes couvre-mandibules, dont je vous pour les choix, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier. Des duquets, des duchesses, des papes, des papesses, des abbés, des ânesses et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie. Les os ouvert, le crâne venteux, ah comme j'ai mal de devenir vieux. Sur Internet, tu mets Adeline. Ah, c'est fou ça! Adeline, c'est incroyable que je. Bon, écoute, en même temps, moi j'en ai fait autre chose, hein, tu vois, voilà. Il reniait cette chanson-là. Moi je la trouve super. Je sais pas s'il reniait la chanson, ou il reniait la chanson qu'il a donnée à ton. C'est Gainsbourg ou c'est Vian qui a dit ça sur mon père? C'est Gainsbourg à Adeline. Ah, Gainsbourg, je crois que c'était Vian. Ah oui, non, d'accord. Non, ah, mais Gainsbourg, oui. Gainsbourg, oui. Il dit c'est une chanson que j'ai écrite pour lui. Non, c'est pas bien, il n'y a pas de problème. Ah, c'est sûr que c'est pas le même monde de toute façon, Gainsbourg mais, ou mon mais père. Mais bien, c'est jamais rendu à Québec, la Montréal. Oui, je crois que c'est bien. Non, c'est Gainsbourg. Pour son film, la Strade de Flachard, on l'avait invité à Montréal. Ouais. Et on a diffusé, on a fait jouer quelques pièces en disant est-ce que tu reconnais ce qu'il joue? Ouais, d'accord. Ah, oui, j'ai compris. Non, fait que là, Jean-Pierre Coëlle, il dit, ah oui, oui, j'ai écrit ça pour un vieux con. Mais lui, il a écrit le texte. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, exact. Mais tu reprends ça, pourquoi? C'est parce que ça te rappelle des souvenirs ou... Non, c'est parce qu'en fait, moi, tu sais, je suis tout à fait, je suis de base. C'est-à-dire que les chansons de mon père que je peux m'approprier, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose à moi dedans, je peux les reprendre. Donc il y a des chansons qui sont... où je peux pas toucher, où je vois pas comment, tu vois. Et puis, ou alors il y a des chansons intouchables aussi, tu vois. Quand j'aurais. C'est le quoi déserteur, c'est... Le déserteur, oui, enfin tu vois, le petit garçon, tout c'est. Ouais. Voilà, c'est ce que tu veux que je fasse là-dessus. C'était vraiment. Il y a tellement d'empreintes, tu vois, que. Moi je fais des choses si je peux. Voilà. Donc, Fleur de Ménin, c'est très différent. Cela dit, l'arrangement de Fleur de Ménin, je me demande si c'est Goraguer qui avait fait ça. Très très joli arrangement. Donc déjà, moi j'ai entendu qu'il y avait une ouverture, tu vois, musicalement, pour moi, tu vois, pour m'approprier cette chanson. Donc voilà. Et en plus, ça voulait dire quelque chose pour moi, parce que c'était quand même Moustaki, et Moustaki est quand même, tu vois, voilà. Lui, il a été vraiment super. C'est vraiment, il a été... tellement ouvert à la musique, et surtout à la nouvelle musique, et puis fidèle, voilà. Ouais. Avec moi, il a été absolument... très tendre aussi. Tendre et ouais, ça m'a vachement touchée, voilà. Donc il n'a pas pu faire grand chose parce qu'il était à la fin de sa vie, il était déjà malade, mais il était en contact avec moi et il a écrit sur mon album, il a écrit ce voilà, donc c'est chouette. Et voilà, et en plus voilà, et il aimait beaucoup Fleur de Ménage. Il m'a dit mais pourquoi, parce que j'en ai coupé une partie au niveau du texte. Il m'a dit pourquoi tu l'as coupé une partie. Je dis bah parce que c'est assez lent, donc ça serait très long, la chanson elle ferait 6 minutes, tu vois, donc j'ai été obligée d'enlever. Un spectacle tu l'as fait intégralement? Non. Comme l'album. Ouais. J'ai 10 questions. Ouais. Hein? J'ai 10 questions ouais. De la fin. Ouais. Si tu étais un liquide. Oh là là, ça c'est des questions, alors ça je peux pas. Alors ça, un liquide? Oui. Je sais pas. Alors là, moi ça c'est des choses. Du citron? Peut-être un jus de citron? Oui. Si tu étais une ville. Une ville? Oh là là, ça c'est des choses. Alors moi, tu sais, je me laisse pas du tout aller sur cette espèce de, tu sais, d'association de. Mais tu peux y réfléchir ou tu peux lancer ce que tu veux. Une ville. Oui. Tu sais quoi, c'est les choses que je pourrais aimer ou les choses que je serais. Que tu serais. Ah oui. Alors non, je sais pas. Même le jus de citron, j'en sais rien. Mais tu vois, ça me vient comme ça. Une ville. J'aime bien Genova. Okay. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'a Rome. Qu'est-ce qui t'a dit? Je sais pas, j'aime ce côté mélange d'anciens, d'histoire, de mer aussi, de l'eau, de la nature derrière. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé que... Tu voyages beaucoup? Je m'y sens... Non, pas tellement. J'ai voyagé, mais je voyage pas beaucoup, non. Je suis très... Tu sens là, lorsque tu arrives là, tu te sens chez toi? Je me suis sentie bien là-bas, ouais. J'ai trouvé que c'était un compromis. Un compromis, ok. Ouais, tu vois, c'était un compromis. Tu vois, par exemple, New York. C'est fou. Je me suis plus sentie bien là, ouais. Tu vois. Mais au début, oui, lorsque tu avais 24 ans, mais plus maintenant. Exactement. On dirait qu'il y a eu comme une saison. Ouais. Ouais. Mais il y a eu beaucoup d'événements. C'est vrai. Malheureux. Ouais. Oui, et puis moi, j'ai changé, tu vois. Voilà. Si tu étais une langue. Une langue? Oh écoute, moi c'est le brésilien, je trouve que c'est une des plus belles, ça me paraît complètement. Ton mari était brésilien. En fait, le père de mon fils, je ne suis plus avec lui, mais effectivement. Et puis alors quand je suis au Brésil, tu vois, c'est bizarre, je dois avoir une vie passée là-bas parce que je me sens comme un poisson dans l'eau, justement, tu vois. Je me sens vraiment à la maison. Si tu étais une époque. Une époque. Ça va, tu me dis, là, c'est une colle totale, ça, alors là. On passe? Hein? On passe? Ouais. Si tu étais un mot... C'est super difficile. Il y en a tellement, hein? Hein? Il y en a tellement de mots. Ouais. Ah oui, il y en a beaucoup, ouais. Mais j'ai vu dans ta présentation d'album, tu... fais même la description presque du dictionnaire de, du titre de ton album. Qui est illimité? Oui, illimité. Ouais. Tu racontes ce que ça veut dire illimité. Comme dans le dico, là, quand on ouvre le dictionnaire. Puis... Ouais. Ben oui, on peut dire illimité, pourquoi pas. Illimité. Ouais, parce que tu es illimité, tu es ouverte à... Oui, absolument, c'est vrai. C'est un beau mot aussi. Oui, oui. Ouais, oui. Si tu étais. Je te l'ai comme soufflé, hein. Ça passe. Merci, merci. Ouais, ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment? Au revoir, merci. Attends, une olive. Voilà. Ah oui, ah oui, c'est tellement bon. Si tu étais une saison. Oh, écoute, je sais pas. Le printemps, l'été, l'automne, c'est tellement beau. L'hiver, moins quand même. L'hiver, c'est un peu dur quand même. Au Québec, c'est pire. Ouais. Et de moins en moins avec ce qu'il y a. Non, je crois que j'aime... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'aime? Je crois que j'aime... Ben, c'est complètement con de dire j'aime le printemps. J'aime non, la... Tu vois, le mois de... Tu vois, en fait, je regarde quand je vais dans le parc à côté de chez moi. C'est vrai que quand t'as comme ça toute cette herbe qui pousse, cette espèce de... Tu vois, ou t'as des tilleuls qui... Le mois de juin, je trouve que c'est... C'est moi mon anniversaire. Ah ben écoute, c'est... Ouais. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas d'affaires, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront articulée, tous les fils emmêlés, je suis toute seule, abandonnée, personne à qui parler, je n'ai comme seule amitié qu'une petite araignée qui se balance au-dessus de mon lit. Tire les ficelles pour que ma vie se démêle, si tu tires les ficelles, pas que de ma jupe en dentelle, suis une poupée, toutes mes couleurs retrouvées. En venant me chercher, il a promis de me réparer. Au fond de son atelier, petit à petit, il m'a guidée, sans jamais me brusquer. Et me voilà transfigurée. Tire les ficelles pour que ma vie se démêle. Si tu tires les ficelles, n'est pas que de ma jupe en dentelle. Tire les ficelles pour que ma vie se démêle. Je te serai toujours fidèle. Tire la ficelle. L'autre, on a dansé, et puis il m'a passé une jolie robe de mariée. Alors je l'ai aimée en oubliant que je n'étais qu'un pantin déguisé, qu'il a troqué pour une autre poupée. Tire les ficelles pour que ma vie se démêle. Je pends en pelle. Tire les ficelles pour que ma vie se démêle. Si tu tires les ficelles, je te serai toujours. Corporel. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Un pied. Voilà. Pour boiter le cul de quelqu'un ? Je sais pas. Non, je trouve que... Pour être ancré dans, la, dans le sol, en pour racine, être ouais, enraciné et avancer. De rêver aussi. Ou marcher. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée ? De la journée. L'aube, allez. Ah oui. Ah oui, pour la création, hein, pour écouter de la musique. Le matin, voilà. Ah, c'est merveilleux. Avec le, ouais. Je pense à chez moi dans le sud où je. Quand tu sais, tu as des ciels comme ça. Qui, oui. Quand tout d'un coup, tu as des trucs incroyables, je te montrerai. J'en ai un sur mon. Mais près du fleuve, à Québec. Ah oui. Vers l'île d'Orléans, c'est ouais. Merveilleux. Ah oui. Ouais, où Félix Leclerc ouais. A fini ses jours. Ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu ? Ça veut dire quoi ? De quelqu'un d'autre ? Oui. Alors ça. Ah, non mais c'est difficile, il y a tellement de choses. Ouais. Écoute. Aujourd'hui ça toi, peut être ça, puis demain autre chose. Hein. Moi j'aimerais être. J'aimerais être un merveilleux musicien ou tu vois. Une musicienne. Tu sais, ou alors un peintre, voilà, un grand peintre. Homme ou femme ? Attends. Ça fait rien, c'est homme ou femme, en fait. Mais, oh oui, tiens, je pourrais dire... J'aurais aimé être un grand peintre. Ouais, ça, ça aurait abstrait, été... Abstrait ou... Mais c'est très nouveau, ça, en fait. Ça ou la... Ben, qu'est-ce que ça... Attends, qu'est-ce que... Écoute... Turner, par exemple, voilà. Ok. Tu vois ? À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin ? Est-ce que je ferai le même chemin? J'ai pas l'impression d'avoir été complètement libre, tu vois, dans ma vie. On est quand même très, justement, c'est pour ça. Même après ton enfance. Ah bah oui. C'est toute ta vie. C'est... Moi, je trouve que j'ai quand même. J'étais très lente à la détente. Enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont retenue, tu vois. C'est quand même très. C'est très tard dans ma vie, tu vois, tout ce que je fais. J'aurais aimé pouvoir le faire 20 ans avant. Ouais. Je pense que là, ça aurait été plus facile aussi, tu vois, parce que j'aurais eu un horizon un peu plus. Tu vois, c'est pas facile d'avancer en disant mon horizon n'est pas très très large quand même, tu vois. Donc, tu vois, c'est alors, ça. Il y a un petit regret à ce niveau-là. Oui, ouais. J'ai eu du mal à me libérer. Voilà, en même tu temps, vois. L'album que j'entends, que j'écoute régulièrement, ne serait pas aussi ressenti. Oui. C'est sûr, oui, bien sûr. Une jeune fille de 20 ans ne peut pas écrire ce que tu as écrit. Mais bien sûr. Même si c'est pas toi qui as tout écrit. Ouais. C'est toi qui as mis ton grain de sel, c'est toi qui a biffé, qui a repris, qui a... Oui, bien sûr. Parce que c'est toi qui chante, donc tu peux pas dire n'importe quoi. Oui, bien sûr, t'as raison. Non, mais bien sûr, mais jamais de la vie, à 20 ans, ou même à 30 ans, je pense pas, tu vois, ça serait bizarre. Les années doivent nous remettre en question. Et quand tu écris, c'est tout le passé qui témoigne. Ouais. Oui, bien sûr, t'as raison. Je suis tellement content de t'avoir rencontré. Parce que je suis appelé sur ton album, un peu par hasard. Ouais. Je regardais les albums apparaître et je t'ai vu. Et en fait, c'est pas le prénom que j'ai dit, voyons donc, Jenny, c'est pas. Là, je suis allé voir. Et je me suis dit, en t'écoutant après, lorsque je l'ai acheté sur Internet, et moi je l'ai physiquement, là, j'ai pas téléchargé. Là. Ouais. J'ai dit, elle sait l'effet de son père. Parce que. Ah oui. On sent vraiment pas le Ray Jenny. On sent la Célia. On sent la fille qui a cheminé. Oui. Et les textes sont tellement. Mais c'est ça, hein, j'ai fait tout là, tu vois, j'ai cheminé longtemps pour finalement, tu vois, j'ai servi des musiciens, j'ai fait des arrangements, tu vois, dans des mondes qui n'étaient pas les miens, l'Afrique, l'Inde, tu vois, j'ai bossé avec Trilogue Gourtou, tu vois, c'est un. Mais tout d'un coup, quand j'ai fait mon album, c'est là où je me suis rendu compte que. Il y avait une transmission, je revenais à un truc qui était en relation avec mon père que je n'avais jamais eu, hein, cette liaison-là, tu l'as jamais. Ben, je l'avais jamais, comment on appelle ça, je l'avais jamais cultivé, si tu veux, okay, tu vois. Hein. Je l'avais, au contraire, j'avais même peur de ça, tu vois, puisque mon père était totalement silencieux, tu vois, il a jamais su ce qu'on faisait, papa, tu vois. Tu comprends, c'est compliqué quand tu as un père qui s'appelle Reggiani, qui s'est jamais penché du tout sur ce que tu faisais, tu vois. Et le silence d'un père comme ça vis-à-vis de ses enfants, c'est souvent interprété, c'était pas du tout ça, mais on peut l'interpréter en disant je parle pas de mes enfants parce que c'est de la merde, tu vois. Ouais. Tu comprends, mais tu imagines, non mais c'est un truc énorme de pas en parler du tout, si tu veux d'être aussi ignare sur, tu vois, ignorant sur ce que faisaient ses gosses et tout. Donc forcément, tu vois, on n'avait vraiment pas le. On n'avait pas la bénédiction, tu comprends. Non. Puis au contraire, tu étais dans l'ombre et tu te sentais aussi. Non, j'étais pas dans l'ombre parce que j'ai fait ma vie, tu vois, parallèlement. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dans son monde, dans son milieu. Tu vois, d'ailleurs, j'ai demandé une aide à l'autoproduction à la SACEM qui m'a été refusée. Tu vois, ils m'ont refusé l'autoproduction, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Ah oui, c'est très spécial, surtout sachant ce que la SACEM a engrangé, si tu veux, en tant qu'auteur-compositeur d'argent pour mon père. Ils m'ont refusé les 4000 euros d'aide à l'autoproduction, tu vois. Ça, c'était, j'ai compris. Tu vois, tout ce qui est en relation de ce côté-là, c'était porte fermée, voilà. C'est ça, la difficulté. Mais c'est pas parce que je m'appelle Reggiani, c'est parce que mon père est ce qu'il est que c'est comme ça, tu vois. Mais c'est bien, je crois beaucoup, moi, au bouche à oreille. Je crois beaucoup au fait de se sentir interpellé par l'œuvre. Je crois qu'il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui vont adorer. Ah, mais ça serait super, vraiment, mais, oui. Mais on ne peut pas être indifférent. Ouais, on ne peut pas être indifférent devant l'émotion que tu avais sur cette album-là. C'est tout à fait touchant. Et tu nous aides à cheminer à travers des moments difficiles. Et c'est ce que je ressens régulièrement lorsque je place une chanson sur mon CD, sur mon lecteur. Ouais. Et je me dis que tu as une place dans la chanson. Je suis très heureux que tu aies fait un album. Oui, très heureux de te retrouver et d'être ici avec toi. Et surtout que tu aies accepté de me rencontrer. C'est super, moi, ça c'est une super surprise, tu vois. Ben, c'est une surprise pour moi aussi. Ouais, en plus. Je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais, écoute, moi, je vivais un moment très difficile là, parce que j'ai perdu une amie à moi. Très proche et je suis allée à New York pour l'accompagner dans les derniers jours, tu vois. Et donc tout d'un coup, tu vois, j'étais chez elle, on l'avait. Elle venait de, tu vois, ça faisait 24 heures qu'elle nous avait quittés. Et comme ça, j'ai reçu, tu vois, ton message. J'ai dit, bon, c'est super. Ça me remet, tu vois, dans le. Oh, mais c'est bien, merci. Puis on va diffuser sans modération. C'est pas de l'alcool, donc ah ouais, c'est ça. On saoulera jamais de vos mots et de ouais, merci, et de Rénal, ouais. C'est super, hein, c'est vachement c'est super, oui, très sympa. De... Ben, je suis très touché. Merci, Sylvia. Bonne route. J'aime les jours sans heure. Les livres sans histoire, j'aimerais dans la nuit noire avancer sans lueur, dans les forêts sombres, sous un orage qui gronde, marcher sans avoir peur, plonger dans le brouillard sans qu'on me tienne la main, j'aimerais ne pas savoir décider du chemin, fouler d'autres sols avec l'esprit qui vole comme unique boussole. J'aime quand tout doit s'écrire, quand tout est en travaux, car c'est dans le chaos que tout peut devenir. Sans heure et les pays sans route, même quand je n'y vois goutte, ça ne me fait plus peur. L'endroit est l'envers, laisser là mes repères, vivre l'instant légère. J'aime quand tout doit s'écrire, quand tout est en travaux. Car c'est dans le chaos que tout peut devenir, qu'on peut se contredire, Mistral et puis Zéphyr. Car c'est dans le chaos que tout peut devenir. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.